Samedi 20 février 2021, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée, mais d'abord l'essentiel. Il faut des textes réglementant les produits forestiers et des produits de substitution de l'arbre, notamment le gaz. Cela a été analysé lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi, après avoir constaté que les quantités de perches utilisées dans les constructions des maisons augmentent au jour au jour. La population habitant près du marché du bétail d'Igatwaro, c'est en commune Kayanza, de la province Kayanza, d'y avoir la crainte d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène suite au manque de latrines adéquates à ce marché. Et l'Association pour une jeunesse africaine progressiste, AJAP en sigle, apprécie la mesure du gouvernement de faire le recensement des jeunes chômeurs. Vous l'entendrez dans ce journal, mise en onde par Aimé Toussaint Mitebouti. Et à la présentation, vous êtes avec Ornella Mouch. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Maître Clotilde Nilagira, ancienne ministre de la Justice et garde des Sceaux du Burundi, est décédée la nuit de ce vendredi à l'hôpital de Nairobi au Kenya. À Kenya, elle a par la suite été ministre de Solidarité nationale, des droits de l'homme et du genre. À part cela, Maître Clotilde Nilagira a également réalisé des missions de réconciliation au sein de la commission Vérité et Réconciliation, où elle fut secrétaire générale. Page environnement. Les quantités de perches utilisées dans les constructions des maisons augmentent jour au jour, ce qui est à l'origine de la dégradation forestière et de l'érosion. Au cours du Conseil des ministres tenu mercredi 17 de ce mois de février, ce conseil s'est accordé qu'il faut des tests réglementant les produits forestiers. Suivez Prosper Naugwamye, secrétaire général du gouvernement. Les perches servent à divers services, dont la construction des maisons, les clôtures et les échafaudages. Les quantités de perches utilisées augmentent au jour le jour. Cela fait que la couverture forestière diminue. Les principales conséquences sont la pénurie du bois, la dégradation forestière, la perte de la diversité, l'érosion du sol, la dégradation des terres, l'accroissement de la pollution de l'air, etc. Pour garantir la gestion durable des ressources forestières et atténuer l'impact négatif dans l'utilisation abusive de ces ressources, il importe d'édicter des règles régissant la gestion de l'utilisation des produits forestiers, en commençant par les perches qui sont actuellement les plus sollicitées. C'est l'objet de ce projet de décret. Après échange et débat, le Conseil des ministres a constaté que la mise en place d'une telle réglementation nécessite des préalables. Il a recommandé d'évaluer d'abord les mesures de prévention qui ont été déjà prises dans ce cadre et, en cas de besoin, les renforcer. Il a en outre recommandé d'envisager des mesures qui incitent à l'utilisation d'autres substituts du bois, comme les échafaudages métalliques, le gaz, etc., en octroyant des facilités à ceux qui veulent les importer. Le ministre en charge de l'Intérieur et celui en charge de l'Environnement devraient également sensibiliser les différents responsables provinciaux et communaux sous leurs ordres sur l'importance et l'intérêt de la bonne gestion des boisements. Et l'Association pour une jeunesse africaine progressiste, AJAP en sigle, apprécie la mesure du gouvernement de faire le recensement des jeunes chômeurs. Rick Nsengimana, président de l'AJAP, trouve que ce recensement a permis au gouvernement de connaître l'effectif des chômeurs se trouvant au Burundi et précise que cela permettra au gouvernement d'appuyer les projets des jeunes en sachant leur profil. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianengendakuman. Nous, nous avons bien accueilli cette mesure de recenser les chômeurs, surtout les jeunes chômeurs, parce que on ne peut pas planifier d'aider les jeunes et les chômeurs, donner l'emploi à des personnes que tu ne connais pas. Maintenant, le gouvernement connaît les domaines d'intervention, les richesses qu'ils ont, selon les domaines différents. Il faut qu'ils commencent à planifier les programmes suivant la demande de l'emploi, suivant les ressources humaines qu'ils ont. Ça va développer notre pays parce que nous avons des ressources humaines et qui vont travailler. Et ici, nous voulons aussi féliciter aussi le gouvernement qui a créé l'emploi de plus de 100 emplois sur les médecins, là où il a dit que chaque commune doit avoir un médecin. En tant qu'une organisation des jeunes, c'est une mesure sanitaire, ça va diminuer les gens qui meurent, ça va diminuer aussi le problème dans la communauté, là où les gens qui peuvent avoir rencontré des problèmes, mais il y aura cette fois-ci des docteurs qui peuvent aider la communauté. Ça, c'est une mesure sanitaire que nous disons courage. Nous voyons qu'il y aura des changements dans l'avenir. Nous, au niveau de notre organisation, nous sommes conscients que quand il continue dans cette voie, nous allons voir le changement positif au niveau du Burundi. Et économiquement, quelle sera la valeur ajoutée? Économiquement, nous allons avoir beaucoup des ajouts parce que quand tu connaissais les ressources humaines que tu as, surtout que ce sont des jeunes qui ont de la force, qui ont de l'intelligence dans différents domaines, le gouvernement va planifier des activités en conséquence avec les ressources humaines qu'ils ont. Et les ressources humaines que nous avons vont produire beaucoup par rapport au premier parce qu'on ne peut pas planifier des choses quand il ne connaît pas à qui va exécuter ce projet. Nous avons tenu premier forum, première rencontre. On a même arrêté des stratégies de développer notre pays suivant les différents domaines. Rendons-nous à province Kayanza où la population habitant près du marché du bétail d'Igatwaro, c'est en commune Kayanza, craint le risque d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène suite au manque de latrines adéquates à ce marché. Disent que ceux qui fréquentent sont obligés de se soulager près de leur maison d'habitation. Nyandwi Gerbert, administrateur de la commune Kayanza, indique que pour pallier provisoirement ce problème, des latrines construites au stade moderne d'Ogatwaro, près de son marché, seront bientôt mises à la disposition des vendeurs et des clients du marché du bétail en attendant que celui-ci soit doté de ses propres latrines. Et détail avec Patrick Sengyumb. Les gens qui fréquentent le marché du bétail d'Igatwaro contactés ont dit que le fait que ce marché n'est pas aménagé ainsi que le manque de latrines adéquates à ce même marché constituent quelques-uns des principaux défis auxquels fait face son bon fonctionnement. Certains des vendeurs du bétail, tout comme les clients rencontrés à ce marché, disent qu'ils ne trouvent pas où s'abriter en cas d'ensoleillement ou en cas de forte pluie. D'autres parmi eux d'ailleurs affirment qu'ils sont obligés de se soulager à l'air libre dans de lui environnant le marché, faute du manque de sanitaires. Même d'autres vendeurs à son marché vendant de la nourriture et de la boisson précisent aussi que le manque de sanitaires à son marché est un défi majeur pour l'épanouissement de leurs activités commerciales et que ça constitue également un danger pour leur santé, aussi bien que pour celle de leurs clients. La population environnante au marché du bétail d'Ogatwaro parle de la crainte du risque d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. Ceux qui fréquentent son marché du bétail se soulagent près de nos maisons et dans leurs environs, témoigne la population habitant près du marché du bétail d'Ogatwaro. Et les vendeurs et les clients à ce marché, de même que la population environnante, tous demandent à l'administration en commune Kayanza de bien vouloir doter de son marché, du bétail, des sanitaires pour le bien de leur santé. Interroger le service d'hygiène et d'assainissement en commune Kayanza sur cette problématique, les responsables à ce service disent l'avoir soumise aux autorités administratives en commune Kayanza afin d'y apporter une solution durable. Jirbe Nyandwi, administrateur de la commune Kayanza, fait savoir que pour pallier provisoirement à ce problème, des latrines construites au stade moderne d'Ogatwaro seront bientôt mises à la disposition des gens qui fréquentent le marché du bétail d'Ogatwaro en attendant que celui-ci soit doté de ses propres sanitaire. Depuis Kayanza, Patrick Zengiva pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h05, poursuivons ce journal par la page sportive. Le sport constitue un vecteur de cohésion sociale et d'inclusion de la population. Propos de l'ambassadeur de la France au Burundi ce vendredi. C'était lors de la remise de l'un de cette infrastructure sportive réhabilitée sous le financement de l'ambassade de France à hauteur de plus d'un milliard de francs burundais. Il estime que ces infrastructures vont permettre à toutes les franges de la population de s'initier à toutes les activités sportives. Suivez l'ambassadeur de France au Burundi au micro de Moïse Misago. Le bien-être des populations est un axe clé des projets de développement que la France mène au Burundi depuis bientôt 60 ans. À ce titre, dans un pays où la jeunesse réunit la plus grande partie de la population, le sport constitue un champ de coopération très fertile. La France s'y est engagée très activement dès les années 70. Comme vous le savez, l'ambassade de France au Burundi a, en 2019, mis en place le projet Jeunes, Sport, Inclusion et Cohésion sociale, dont l'ambition majeure est de s'appuyer sur le sport pour contribuer à la cohésion sociale. Ce projet, d'un montant de plus d'un milliard de francs burundais, s'était fixé pour objectif de permettre à toutes les franges de la société, en particulier celles qui n'ont pas un accès facile au sport. Je pense par exemple aux personnes en situation de handicap ou aux jeunes dans les quartiers défavorisés, de s'initier à tout type d'activités sportives, de s'y épanouir et pourquoi pas de devenir de grands champions et de participer ainsi à la renommée de leur pays. Dans ce cadre, tous les secteurs du sport ont été appuyés. Sport collectif, le basket, le handball, le football, le volleyball, sport de combat, le karaté, la boxe, le judo, sport individuel, ping-pong et athlétisme. Alors que nous voilà arrivés à la fin de ce projet, qui aura duré 2 ans, les résultats sont très encourageants et je voudrais les partager avec vous. Je tiens à féliciter vivement tous les acteurs qui ont participé à nos côtés à l'obtention de ces résultats remarquables. Page Société, avant de mettre fin à ce journal, l'innovateur qui fabrique le jus de prunier et le chercheur dont son projet de recherche porte sur la responsabilité sociétale des universités au Burundi ont été classés premiers dans un concours sur la recherche et l'innovation ce vendredi à Gitega. Ces gagnants trouvent que ces places remportées vont aider à porter plus loin leur voix en matière de la recherche et de l'innovation. Les détails avec Jean de Dieu Ilakodze. Le deuxième jour du concours a porté sur les travaux des innovateurs auxquels le secrétaire permanent au sein du ministère en charge de la recherche scientifique ayant organisé ce concours a fait savoir leur nécessité pour la limitation des produits importés. Le premier gagnant innovateur représenta l'association Twijabuse en provenance de la commune d'Ava, fabricant du jus du prunier, indique que cette place va lui donner la force de produire beaucoup plus. Ça va nous donner de la force et plus spécialement du moment que nous venons de décrocher la première place. Jusqu'aujourd'hui, notre voix porte plus loin et également nos actions. Et quand un chercheur classé premier avec son projet portant sur la responsabilité sociétale des universités au Burundi, c'est un sentiment de joie même s'il n'a pas encore atteint le stade souhaité. Richard Ndayishimiye. J'ai un sentiment de satisfaction. Je suis content d'avoir été élu premier dans ce concours. L'étape à laquelle je suis pour le moment n'est pas celle que je souhaitais. Avec les apports des chercheurs des différentes universités, nous devons progresser pour le développement durable. Parmi les 11 lauréats innovateurs et 9 candidats chercheurs, 7 premiers dans chaque catégorie ont été primés. Les premiers obtenant un certificat de mérite et l'enveloppe de 650 000 francs burundais chacun, et les 7e le même certificat et l'enveloppe de 350 000 francs burundais dans ce concours entre les provinces de Cyangugu, Karusi, Muramvya, Mwaro, Ruigi et Gitega. Parmi les critères d'évaluation figuraient, entre autres, la contribution au plan national de développement, le niveau de collaboration et ou d'ouverture des travaux de recherche ou produits innovants des candidats. Depuis Gitega, Jean de Dieu Irakodze, Radio Isanganiro. Merci Jean de Dieu Irakodze. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Mais dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de la presse avec Jean Bosco Ndouiman. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a présenté jeudi au président de la République et au Parlement, les deux chambres réunies, le rapport général du processus électoral 2020, comme le rapporte l'Agence burundaise de presse. Ce quotidien a retenu comme leçon importante pouvant servir d'amélioration des prochaines élections, un cadre légal des élections rendu disponible à temps. En plus de cela, l'ABP évoque la recommandation de la CENI concernant l'amendement des dispositions de la cooptation de l'ethnie Twa à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui crée une mésentente au sein des associations des Batwa. Enfin, souligne l'ABP, la CENI propose la mise en place d'une structure légère de la CENI dans les communes, ce qui permettra la diminution sensible du budget alloué à l'organisation des élections par la diminution du coût d'enrôlement. La politique salariale est devenue finalement un canular, estime le journal La Voix de l'enseignant, qui rappelle que depuis que le gouvernement burundais a constaté les disparités salariales dans son administration, il a enclenché une réforme de l'administration publique en appui avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. Cette réforme devrait aboutir à une politique salariale équitable, mais, regrette ce confrère, celle-ci tarde à venir car elle devait être concrète avec le mois de janvier 2016. Cet hebdomadaire de l'éducation signale que l'indemnité d'ajustement salarial a été donnée jusqu'en 2020, mais depuis le mois de janvier 2021, rien ne filtre. Ce journal constate que le gouvernement est silencieux sur les propositions émises par les représentants syndicaux lors de la retraite de Gitega en novembre 2020 et à laquelle ont pris part des cadres du ministère de la fonction publique et celui des finances pour vider les questions relatives à la politique salariale. Ces diplômés qui finissent nono, écrit le journal Iwachu. En effet, rapporte cet hebdomadaire, un des responsables de l'association des domestiques Umwizigigwa, Renova Kubwimana, affirme que chaque mois, l'organisation accueille une dizaine de jeunes femmes diplômées de l'université et du secondaire qui cherchent un emploi de nounou. C'est après la crise de 2015 qu'elles ont commencé à affluer vers cette association, poursuit ce responsable, ajoutant que les diplômés ont un petit avantage puisque leur salaire est négocié à partir de 70 000 francs burundais contre 40 000 francs pour les autres. Revue de la presse. La pêche, un secteur en régression, constate un blogueur de Yaga, puisque les recettes dans ce secteur ont connu une chute vertigineuse, expliquant que la taxe sur le poisson vendu n'a même pas été prévue par la loi des finances, exercice 2019-2020 et 2020-2021. Ce n'est pas tout. Ce confrère en ligne donne quelques chiffres pour illustrer cette situation. Le nombre de pêcheurs reconnus a fortement chuté, car le montant des redevances de permis de pêche prévus dans les lois budgétaires a dégringolé, passant de 18,1 millions de francs burundais en 2017 à 71 462 francs bou pour l'exercice 2020-2021, soit une diminution de plus de 99,6%. Les exportations sont également en chute libre, fait remarquer ce blogueur Yaga, puisque entre le volume des poissons exportés en 2015 et celle de 2019, le fossé est abyssal. L'exportation est en effet passée de 348,8 millions de francs burundais à seulement 3,5 millions de francs burundais. Ibirimba, Via Lumikash et Ekokash, des systèmes pyramidaux frauduleux, s'interroge le journal Burundi Echo. En effet, relève ce journal, depuis quelque temps, une nouvelle forme d'investissement a surgi au Burundi, et surtout dans la capitale économique Bujumbura. Il s'agit des investissements et des transactions via la forme Ikirimba, et cela à travers des transferts avec Lumikash et Ekokash. Néanmoins, après quelque temps, les adhérents à ces Ibirimba se plaignent d'avoir été arnaqués. Et pour la Banque de la République du Burundi, précise cet hebdomadaire socio-économique, ces pratiques sont des systèmes pyramidaux frauduleux. Divorce, quand les enfants en payent le prix fort, écrit le magazine Jimbere, qui donne les conséquences d'un divorce, que ce soit devant un juge ou une séparation dans le ménage. Citant une psychosociologue de carrière, Alice Konouziza fait savoir qu'un enfant qui n'évolue pas avec ses deux parents à cause d'une séparation développe un esprit rebelle et adopte des comportements séditieux. Elle explique dans les colonnes de son magazine que ses enfants sont en général d'une humeur dépressive, contestent tout et rien, se bagarrant à tout bout de champ. Pire, ils adoptent souvent l'habitude de voler, de consommer l'alcool et la drogue. Et cela est dû principalement au manque d'affection à l'enfance, insiste-t-elle. Pour elle, le divorce devrait être la dernière option, car au-delà des intérêts des parents, au centre devrait figurer ceux de leurs enfants, écrit le magazine Jimbere. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.